Depuis que je connais M. X, j'ai pu constater à plusieurs reprises qu'il avait une connaissance particulièrement précise des événements de la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi, ce dossier qu'il a voulu ouvrir pour moi cette semaine, le dossier Sikorski, le général Sikorski, président du gouvernement polonais en exil, mort en 1943 dans un étrange accident d'avion à Gibraltar. Je peux vous affirmer que si chacun a son idée, personne n'a encore résolu le mystère Sikorski. M. X, lui, affirme connaître la vérité, et j'avoue que son explication est assez ingénieuse et tout à fait crédible. Nous allons y venir dans un instant avec la diffusion de notre entretien. Mais auparavant, je voudrais vous donner les grandes lignes de cette affaire. Et d'abord, qui était le général Sikorski? En 1943, il a un peu plus de 60 ans. En 1920, jeune général, il se bat victorieusement contre l'armée rouge qui a envahi son pays. Puis, en 1922, il est Premier ministre. Mais en 1926, le maréchal Piłsudski s'empare du pouvoir par la force. Sikorski n'accepte pas les méthodes dictatoriales du maréchal et abandonne la vie publique. Vient 1939 et le pacte germano-soviétique. Hitler et Staline, de conserve, vont dépecer la Pologne. Les résistants polonais, ceux de l'intérieur mais aussi ceux de l'extérieur, portent à leur tête le général Sikorski. Sikorski qui installe d'abord son gouvernement en exil en France, puis après l'invasion allemande à Londres. Le général polonais qui se place d'emblée dans le camp des Alliés a une obsession, faire en sorte qu'après la guerre la Pologne ne soit pas oubliée et ne fasse pas l'objet d'un marchandage entre les Occidentaux et l'encombrant allié russe. Car l'URSS à son tour est entré dans la guerre et Sikorski, malgré lui, doit négocier avec son ancien adversaire. Il fait donc le voyage de Moscou, rencontre Staline, signe avec lui un traité. Mais Sikorski ne se fait pas beaucoup d'illusions. Il est clair que Staline, malgré ses bonnes paroles, ne renoncera pas à son annexion de la partie est de la Pologne. Et il est également clair que Churchill et Roosevelt ne sont pas décidés à contrarier Staline, que pèse en effet la petite Pologne à côté de la nécessaire entente entre alliés. Malgré tout, Sikorski poursuit désespérément son combat afin que la Pologne, qui a été effacée sur les cartes, continue à exister à travers les dizaines de milliers de soldats polonais engagés contre les armées du Troisième Reich. Mais en avril 1943, un événement se produit qui va brouiller les cartes. Les Allemands découvrent à côté de Smolensk, dans la forêt de Katyn, un charnier où reposent des milliers d'officiers polonais. Des officiers qui avaient été faits prisonniers par les soviétiques en 1940. Les nazis accusent les Russes d'être les auteurs de ce massacre. Moscou nie et retourne l'accusation contre les Allemands. Et Sikorski, lui, demande une enquête internationale sous l'égide de la Croix-Rouge. Embarras des Alliés. Trois mois plus tard, Sikorski est mort. Dans un instant, Monsieur X nous donne sa version de l'affaire Sikorski. À courir du Pacifique à l'Inde, on voulait quoi? On voyait partout des sardines alignées dans l'huile de moteur. Fallait donc qu'on couse à nos jeans des fils de couleur. On était nés sur des ruines de Times Well. pouvait planter des fleurs. On voulait juste des jours meilleurs. Juste des jours meilleurs. J'entends les mélodies grises et toutes ces voix qui disent ils viendront plus. J'entends les fontaines de pleurs. J'entends gémir les cœurs des si j'avais su, si j'avais pu, des si j'avais eu moins peur. J'entends grossir les ventres et fumer les cigares. Ça fait la différence entre ancien adolescent et futur vieillard. J'entends grossir les flingues et fumer les mémoires. Pendant qu'une bande de dingues au fond de leurs idées peuvent arrêter l'histoire. On voyait partout des sardines alignées dans de l'huile de moteur. Fallait donc qu'on cause à nos jeans des fils de couleur. France Inter, on retrouve Patrick Pénaud pour Rendez-vous avec X. Je crois qu'on pourrait d'abord revenir sur les circonstances exactes de cet accident qui a coûté la vie au général Sikorski. Oui, vous avez raison. On est donc au début juillet 1943. Sikorski, de retour d'une inspection des troupes polonaises du Proche-Orient, fait une escale à Gibraltar avant de regagner Londres. Londres où était le gouvernement polonais en exil. Hein. Exactement. Bon. Il faut dire tout de suite que ses amis, enfin ses proches, ses ministres, lui ont déconseillé ce voyage. Et pour quelle raison? Trop dangereux, trop risqué. Sikorski gêne. Gêne? Oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui seraient vraiment ravis de le voir disparaître. Il y a d'abord les Soviétiques. L'obstination de Sikorski, qui veut absolument savoir la vérité sur le fameux massacre de Katyn, ça les enchante pas, ça. D'ailleurs, ils ont officiellement rompu avec le gouvernement de Sikorski, qu'ils accusent d'être l'allié objectif de Hitler. Mais il y a aussi les Anglais. Mais pourquoi les Anglais? Eh bien, à cause de ce drame de Katyn. Sikorski menace l'entente avec Moscou. Et en 1943, il n'est pas question pour Churchill de se fâcher avec Staline. Bon, puis il y a aussi les Polonais, ceux qui n'ont pas accepté que Sikorski soit allé discuter avec Staline, l'ennemi d'hier. Vous voyez que ça fait quand même pas mal de monde. Oui, beaucoup de monde, mais quand même ceux qui ont en principe le plus intérêt à la disparition de Sikorski, c'est les Allemands, non? Ce sont les Allemands. Oui, oui, mais alors pour eux, c'est plus compliqué. D'accord, Sikorski est leur ennemi puisqu'il combat aux côtés des Alliés. Mais d'un autre côté, Sikorski sert aussi la propagande de Goebbels en mettant en cause la version soviétique à propos de l'élimination de ces milliers d'officiers polonais. Enfin, je résume. Donc à l'époque, on pouvait légitimement craindre pour la vie de Sikorski. Oui, d'autant plus, je vous l'ai dit, que le coup pouvait venir de partout. Et curieusement, avant même le départ de Sikorski pour le Proche-Orient, des rumeurs d'attentats avaient couru. Enfin, venons-en à l'accident. Enfin, quand je dis accident, vous m'avez compris. Donc, pour vous, je vous connais bien maintenant, c'est pas l'accident. Bien entendu. Je vais vous le prouver, d'ailleurs. Pour ce périple, Sikorski voyage à bord d'un bombardier de l'ARAF. La Royal Air Force, hein, oui. Britannique. C'est ça. Un Libérateur converti en avion de transport. C'était un gros avion, très sûr. Et le pilote, un Tchèque, nommé Perhal. C'était un as, un type qui connaissait parfaitement son appareil et qui d'ailleurs avait été personnellement choisi par Sikorski, qui avait une totale confiance en lui. Oui, bon, cet avion, on pouvait le saboter. Bon, bien sûr. Alors voyons comment les choses se sont passées. Le Libérateur décolle de Gibraltar en fin de soirée, il fait déjà nuit. Quelques officiels, dont le gouverneur de Gibraltar, assistent au départ. Le décollage est impeccable, le bombardier s'élève jusqu'à une cinquantaine de mètres. Il est maintenant au-dessus de la mer, il amorce un léger piqué, à terre personne ne s'étonne, ça c'est la technique de Perhal, un truc pour prendre de la vitesse avant de poursuivre sa montée. Mais le piqué se poursuit dangereusement et soudain c'est la catastrophe. Le Libérateur s'est abîmé en mer, il n'y a pas 25 secondes qu'il a décollé. Donc le drame, et il y a eu des survivants? Un seul, le pilote, Perhal. Quand les premiers bateaux de sauvetage sont arrivés sur les lieux, le pilote, à demi inconscient, flottait à la surface de la mer. Et c'est un des aspects les plus étranges de cette dramatique affaire. Je comprends rien ce que vous voulez dire, là. Eh bien, Perchal, excellent pilote, je vous le rappelle, avait une manie. Contrairement au règlement de la Royal Air Force, il ne portait jamais son gilet de sauvetage lors du décollage ou de l'atterrissage. Non, il préférait garder sa May West près de lui, à portée de main. La May West, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, c'est le gilet de sauvetage aussi, à cause de l'actrice américaine et des avantages supérieurs qu'elle avait. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, pourquoi il n'avait pas sa May West ? Oh ben écoutez, j'imagine simplement qu'au cours de ces phases particulièrement cruciales, il voulait être plus libre de ses mouvements. Mais ce qui est étrange, c'est que lorsque l'on a retrouvé Perchal, il portait son gilet de sauvetage. Et d'après tous les témoins du sauvetage, sa May West était parfaitement bouclée. Oui, et si elle était bouclée, donc, c'est qu'il aurait eu le temps de la boucler avant la catastrophe. Écoutez, pendant ces quelques secondes, moi, il me semble que Perchal devait surtout penser à redresser son appareil. Ouais, donc, il n'a pas bouclé sa May West. Mais... Et si, pour une fois, il avait changé d'avis et qu'il avait bouclé ce gilet de sauvetage avant de décoller? Tout le monde y a pensé, bien sûr. Mais Perchal lui-même, dès qu'il a été en état de parler, a dit qu'il n'avait pas bouclé son gilet de sauvetage. Alors, mentait-il et pourquoi? Un historien britannique, David Irving, a particulièrement étudié dans quelles circonstances le Libérateur qui transportait le général Sikorsky s'est abîmé en mer au large de Gibraltar. Son livre, intitulé « La fin mystérieuse du général Sikorsky », a été publié aux éditions Robert Laffont. Irving a entendu les principaux témoins et les enquêteurs. Première interrogation, pourquoi Perchal, et lui seul, a-t-il échappé à la mort ? Eh bien, le pilote aurait été projeté à travers le toit en plexiglas de l'avion. Mais, curieusement, il ne portait aucune trace de blessure. Deuxième énigme, celle de la May West. Perchal, interrogé à de nombreuses reprises, n'a jamais pu expliquer pourquoi il a été retrouvé dans l'eau, gilet de sauvetage bouclé. Troisième point capital, l'accident lui-même. Le pilote a affirmé qu'à la hauteur de 150 pieds, il a poussé sur le manche afin de prendre de la vitesse. Mais lorsqu'il a voulu ensuite reprendre de l'altitude en tirant sur le manche, il s'est aperçu que la commande était bloquée et qu'il lui était impossible d'actionner les gouvernes de profondeur. À partir de cet instant, l'accident était inévitable. Perchal ne pouvait plus redresser son libérateur. Vous pensez donc que Perchal, le pilote, a menti ? Oui. Incontestablement, et pas seulement à propos de cette absurde histoire de gilet de sauvetage. Il a aussi prétendu que d'autres libérateurs avaient connu ce même problème de blocage des gouvernes. Or, c'était une invention. L'enquête l'a parfaitement démontré. Je ne comprends pas. Alors, pourquoi tous ces mensonges ? Parce que le Peural, le pilote, a provoqué délibérément l'accident ? Non, j'y ai pensé, bien sûr, mais Peural n'était pas un kamikaze. Or, il fallait être un kamikaze pour tenter un pareil coup, car le pilote avait très peu de chances de pouvoir s'en sortir. Alors, quelle autre explication ? Il y en a plusieurs. La première, celle qui me paraît le plus simple, c'est que Peural a menti pour couvrir une faute de pilotage. Vous savez bien que dans la majeure partie des accidents aéronautiques, c'est l'homme qui est responsable. Ça, c'est sûr. Oui. Ouais. Alors, Peural, par exemple, aurait pu un peu trop pousser sur le manche pour prendre de la vitesse, et jugeant mal de l'altitude à laquelle il volait, il aurait percuté la surface de la mer. Vous y croyez, vous ? Tout est possible, mais je vous le rappelle, Peural était un excellent pilote. Bon, puis il y avait un copilote à côté de lui qui surveillait les instruments. Non, ça me semble invraisemblable. La deuxième hypothèse, c'est celle du poids. Le poids de l'avion ? Oui, le libérateur aurait été trop chargé. Mais là aussi, les enquêteurs ont fait leur boulot et ils ont estimé que l'avion pouvait sans problème enlever ses 25 tonnes. Alors, autre hypothèse ? La vraie, la seule, celle du sabotage. Parce que Sikorsky était à bord et qu'on voulait l'éliminer. Admettons, hein, on va y venir. Mais, pardonnez-moi, mais ça n'explique pas les mensonges du pilote. C'est juste, mais je crois que j'ai trouvé une explication. Peural a été retrouvé inconscient, je vous le rappelle. Et l'accident a dû drôlement le secouer. Alors, quand on l'a interrogé pour la première fois, il a dû raconter n'importe quoi. Et ensuite, contre toute raison, il s'est accroché à sa première version. Et au fond, peut-être qu'inconsciemment, il se croyait responsable. Il a culpabilisé, ce qui explique son autre mensonge sur le blocage des gouvernes dont auraient été victimes, soi-disant, d'autres libérateurs. Mmh. Oui, c'est à peu près plausible, mais... Alors, vous parliez de sabotage, hein ? Sur quels éléments vous fondez-vous ? Deux sortes d'éléments. Des éléments matériels indiscutables, mais si vous voulez bien, nous en reparlerons plus tard. Et puis, les éléments politiques. Alors là, il faut revenir au drame de Katyn. Parce que vous pensez que l'assassinat de Sikorsky, si réellement assassinat y a eu lieu, et la tuerie de Katyn sont liés ? Indubitablement. Le charnier de Katyn, je vous le rappelle, a été découvert par les Allemands en avril 1943. Et la mort de Sikorsky se situe en juillet, 3 mois plus tard. 3 mois terribles qui ont failli mettre à mal l'alliance entre les Occidentaux et l'URSS. Alors, parlons d'abord de ces officiers polonais dont on a retrouvé les corps dans le charnier de Katyn. Combien étaient-ils ? À peu près 15 000. 15 000 types qui avaient disparu en 1940 et dont on était sans nouvelles. À vrai dire, tout le monde pensait qu'ils étaient toujours prisonniers des Soviétiques et détenus quelque part en Sibérie. Et soudain, en avril 1943, c'est la découverte du charnier de Katyn. Et par hasard ? Non. Ce sont des habitants de la région qui ont parlé. Et immédiatement, les nazis, trop contents, ont commencé à faire des recherches. Oui, parce que la région est occupée par les Allemands. Tout à fait, oui. Et ils ont trouvé, au bout de ces recherches, des fosses creusées en pleine forêt dans lesquelles des centaines de cadavres avaient été entassés. Curieusement, ces dépouilles humaines avaient été très bien conservées, pour sans doute à cause de la nature du terrain. Et les uniformes étaient intacts. Et dans les poches de ces uniformes, les papiers également. Parce que ça, c'est extraordinaire. Parce que ces hommes, ces officiers, hein, avaient été enterrés avec leurs papiers. Oui, aussi étrange que cela paraisse. Et ça permet donc aussitôt d'identifier les cadavres. Il s'agit bien d'officiers polonais. De ces officiers dont on est sans nouvelles depuis 1940. Enfin, d'une partie, en tout cas. Immédiatement, cette bonne guerre, les Allemands mettent en cause les Soviétiques. Mais l'occasion est trop belle. Pour Goebbels, qui va orchestrer la propagande autour de cette affaire, il s'agit non seulement d'accuser l'URSS d'un crime monstrueux, mais surtout de semer la zizanie entre les alliés. Car Goebbels feint de croire qu'il sera impossible à Roosevelt et Churchill de fermer les yeux. En fait, son véritable objectif, ce sont les Polonais de Londres, c'est Sikorsky. Il compte sur lui pour souffler sur les braises. Et qu'importe pour Goebbels que par là même, il l'envoie à la mort. Penchez un peu par le vasistas pour voir les sales gosses qui jouent sur la place. Et regarder dans ma glace pour me retrouver en face d'une petite fille, d'une petite fille, d'une petite fille, d'une petite fille, d'une petite fille. Quitter cette ville complètement schlasse, dire ciao bye aux techniciens de surface. Juste une demi-place en troisième classe et tirer la chasse. Juste une petite fille, rien qu'une petite fille. Juste une petite fille, une petite fille. Larguer ces pauvres types collant double face qui pissent debout sur leur godasse et chanter le blues comme la calasse à faire rêver tous ces vieux dégueulasses. Comme une petite fille, une petite fille, une petite fille, une petite fille, une petite qui shootait dans le monde ce vieil ananas et vivre enfin par faire des passes. Juste une petite fille, rien qu'une petite fille. Juste une petite fille, une petite fille. Dans son livre sur le KGB dans le monde, Christopher Andrew écrit que près d'un million et demi d'ennemis de classe polonais furent déportés par les soviétiques dans des wagons à bestiaux jusqu'aux terres désolées du Kazakhstan et de Sibérie. Quand l'armistice a été déclaré en 1941, environ la moitié avait déjà péri. Il écrit d'autre part, je le cite, « 15 000 officiers polonais trouvèrent la mort beaucoup plus près de chez eux. Les dernières notes prises dans son journal par l'un des leurs, le major Solski, raconte son arrivée, sous la garde du NKVD, au bois de Katyn, près de Smolensk, le 9 avril 1940. Nous voici maintenant dans un petit bois qui a tout l'air d'un camp de vacances. On nous a retiré nos alliances et nos montres, qui indiquent 6h30 du matin, ainsi que nos ceintures et nos couteaux. Quel sort nous attend ? 3 ans plus tard, les troupes allemandes découvraient le cadavre de Solski, avec son journal toujours dans sa poche, en compagnie de plus de 4000 autres, dans le charnier du bois de Katyn. Ils avaient pour la plupart les mains attachées derrière le dos et une balle dans la nuque. Mais quand vous dites que Goebbels a envoyé Sikorski à la mort... Mais oui, parce qu'il avait prévu sa réaction. Et ça a été assez diabolique. À Londres, le gouvernement polonais en exil apprend la nouvelle de la découverte des corps des officiers à Katyn. Il ne peut pas ne pas réagir, d'autant qu'il essaie en vain depuis 1940 de chercher à savoir ce que sont devenus ces milliers d'hommes qui représentaient en fait l'élite de l'armée polonaise. Sikorski a même interrogé personnellement Staline lorsqu'il l'a rencontré à Moscou. Et que lui a répondu Staline ? Pas au courant, jamais entendu parler de ses officiers. Et de décrocher son téléphone et d'appeler le NKVD. Pourquoi les officiers polonais n'ont pas été relâchés ? Il écoute, il raccroche et dit à Sikorski... On ne sait rien, ils ont dû s'évader. S'évader dans un pays comme l'URSS, c'est bizarre. Hein. Vous avez raison, c'était une réponse qui n'en était pas une. Une fin de non-recevoir. Et que pouvait faire Sikorski qui venait justement à Moscou pour signer un traité avec Staline ? Ça n'a pas dû être facile pour lui. Mais revenons au piège de Goebbels, au moment où Sikorski apprend l'affaire de Katyn. Avec beaucoup de prudence, le général polonais contacte secrètement le Comité international de la Croix-Rouge, auquel il demande d'effectuer une enquête. Secrètement. Oui, oui. Mais les Allemands, très bien informés, apprennent la démarche de Sikorski. Aussitôt, dès le lendemain, la Croix-Rouge allemande, sur l'ordre de Hitler, bien sûr, demande officiellement au Comité international de conduire une enquête sur le massacre de Katyn. Et Sikorski est piégé. Totalement. Il est donc obligé de rendre publique sa propre démarche. Et immédiatement, c'est la rupture avec Moscou. Et Moscou, j'imagine, va accuser Sikorski de faire le jeu des nazis. Bien sûr. Et Sikorski est présenté comme l'allié objectif de Hitler. Et puis, je pense aussi que Moscou va contre-attaquer en retournant l'accusation. Ce sont les Allemands qui sont les vrais responsables de la tuerie. Mais évidemment, c'était, si j'ose dire, de bonne guerre. N'oubliez pas que pendant de longues années, et même très longtemps après la guerre, on s'est interrogé. Car le seul fait que la découverte des charniers ait été faite par les nazis la rendait hautement suspecte. On pouvait se trouver devant une opération d'intoxication, les Allemands ayant pu maquiller leur propre crime, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai que ce n'était pas du tout invraisemblable. Mais la Croix-Rouge, la commission d'enquête de la Croix-Rouge... Elle ne s'est jamais rendue sur place. Parce que la Croix-Rouge ne voulait pas agir sans avoir l'assentiment de toutes les parties. Or, l'URSS refusait de donner son accord. Donc la Croix-Rouge a renoncé et les Allemands, si je me souviens bien, ont bricolé une commission d'enquête internationale uniquement composée de médecins qui venaient de pays qu'ils occupaient. C'est plus simple. Oui. À l'exception, je crois, d'un médecin suisse. Dans ces conditions, il était facile à Staline de dénoncer une commission partiale sous influence allemande. Et d'ailleurs, quand l'armée rouge a repris la région de Smolensk, une commission soviétique a mené à son tour une enquête et démontré naturellement que le crime était allemand, avec de bons arguments d'ailleurs. Ah bon ? De bons arguments, mais vous avez des exemples ? Oui, ben, écoutez, la question cruciale à Katyn, c'était celle de la date de l'exécution. Si c'était en 1940, les assassins étaient russes. Si c'était en 1941, ils étaient allemands. Or, les soviétiques ont affirmé avoir trouvé sur les cadavres des documents datés de 1941. Puis il y avait autre chose. Les exécutions avaient été perpétrées avec des balles fabriquées en Allemagne. Conclusion ? Les soviétiques disposaient d'assez d'éléments pour entretenir durablement la confusion et repousser la terrible accusation qui pesait sur eux. Mais je dois à la vérité de dire que les arguments des Russes, à mon avis, étaient fallacieux. Car les documents qu'ils ont exhibés étaient un tout petit nombre, alors que les Allemands, eux, en avaient trouvé des centaines, tous antérieurs au printemps 1940. Et les balles ? C'est vrai qu'elles étaient allemandes. Mais les nazis en avaient vendu en grand nombre aux pays baltes. Et les soviétiques, lors de l'invasion de ces pays, avaient très bien pu les récupérer. Oui, ça peut s'expliquer, en tout cas. Mais revenons quand même à notre sujet de départ, Sikorski. Alors, qu'est-ce qui devient à la suite de la découverte du charnier de Katyn ? Écoutez, à la suite de cette affaire, il est devenu persona non grata pour Moscou. Mais pas pour les Anglais et les Américains qui continuent de le soutenir, tout en regrettant sa rupture avec Staline. Situation embarrassante, vous en conviendrez, pour tout le monde. Et c'est cette situation embarrassante, comme vous dites, qui va conduire à son élimination ? Oui. Mais qui ? Moi, j'ai quand même du mal à croire que les Alliés... Ne vous faites pas d'illusions. Dans une situation de guerre, tout est possible. Et sur le grand échiquier de la guerre mondiale, le général Sikorski n'était qu'un petit pion insignifiant. Alors, le ou les coupables, les Soviétiques ? Oui. Oui, parce que Sikorski, s'il disparaissait, il pouvait enfin favoriser la constitution d'un nouveau gouvernement polonais en exil. Un gouvernement, sinon communiste, du moins moins hostile à l'URSS. Et autour de Sikorski, des hommes étaient là, prêts à le remplacer, séance tenante. Pour l'instant, dans votre démonstration, il ne s'agit que de spéculation. Pas du tout. Et j'ai tout compris quand j'ai appris la présence à Gibraltar, au moment de la mort de Sikorski, d'un homme particulièrement fascinant et dangereux, Kim Philby. Oui, Philby lui-même, ça vous dit quelque chose, Monsieur Penaud ? Décider que tu t'en allais. tristesse, vertige, des veines, qui sait. Un voyage, un seul aller, au long cours, d'où l'on ne revient jamais. Moi, j'aurais tout essayé, mon amour. C'était vraiment pas la peine, je sais. Que c'était foutu d'avance, mon amour. Je n'ai ni remords, ni regrets. C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Moi qui t'ai ouvert les veines, je sais. Maintenant tu es avec les anges, pour toujours, pour toujours et à jamais. Dans la dernière partie de mon entretien avec Monsieur X, nous allons revenir longuement sur Kim Philby et son éventuelle intervention dans l'affaire du général Sikorsky. En attendant, pour ceux d'entre vous qui n'auraient jamais entendu parler de ce célèbre espion, quelques informations piochées dans un livre très complet qui vient de paraître sous le titre « Histoire de l'espionnage mondial » aux éditions du Félin et écrit par Genoveva Etienne et Claude Moniquet. Philby, mort en 1988 à Moscou avec le titre de « général du KGB », a sans doute été la personnalité la plus marquante d'un réseau d'espions soviétiques qu'on a appelé en anglais « The Magnificent Five » par allusion au film « Les Sept Mercenaires » en anglais « The Magnificent Seven ». Des hommes issus de la meilleure société anglaise, sympathisants communistes, formés universitairement à Cambridge et qui vont réussir à s'introduire au plus haut niveau des services secrets anglais ou du Foreign Office. 5 espions qui travailleront des années durant pour les soviétiques. Philby, par exemple, est entré en 1942 dans les services de renseignement britanniques. Je cite. Le MI6, le MI6, a un besoin urgent de personnes compétentes et Kim Philby est l'homme idéal pour ce genre d'activité, intelligent, charmeur et de plus, parlant 5 ou 6 langues. Il grimpe rapidement les échelons pour accéder 4 ans plus tard à la direction de la section 9, chargée de surveiller les activités soviétiques et les partis communistes. Fin de citation. Or, cet homme, qui occupe des fonctions aussi stratégiques dans la lutte contre la pénétration soviétique, est lui-même un agent soviétique. Et pour revenir à Sikorsky, effectivement, en 1943, il est vrai que l'agent double Philby se trouvait à Gibraltar. Philby, à Gibraltar, au moment de la catastrophe aérienne qui a coûté la vie au général Sikorsky, ça pouvait être une coïncidence. Non, hein, non. Sikorsky est mort à Gibraltar parce que Philby s'y trouvait. Voilà la vérité. Bon, vous savez, j'ai même pensé que l'espion en accomplissant sa sale besogne avait rendu service simultanément à ses deux maîtres, Churchill et Staline. C'est un peu osé, ça. Comme... Non, car l'un et l'autre ont dû être soulagés en apprenant la disparition de Sikorsky. Mais je vous rassure, le vrai commanditaire, c'était Staline. Mais comment Philby, si c'est bien lui, hein, a-t-il procédé ? Attention, je n'ai pas dit qu'il avait lui-même mis la main à la pâte. Non, il était bien trop malin pour ça. Mais je suis sûr que c'est lui qui a tout organisé. Et quand on examine le dossier à la loupe, on comprend assez facilement. Reprenons la chronologie. Sikorsky fait escale à Gibraltar, où il est reçu par le gouverneur. Il doit rester 24 heures sur le rocher. Et son avion, naturellement, fait l'objet d'une rigoureuse surveillance. Parce que déjà, on craint un sabotage. Bien sûr. Et il ne faut pas oublier qu'à 2 reprises, déjà aux États-Unis d'abord, puis au Canada, les avions dans lesquels volait Sikorsky ont été victimes de sabotage. Alors, sur l'aérodrome de Gibraltar, on affecte une garde armée au Libérator. Un soldat reste même en permanence à l'intérieur de l'appareil. Difficile, dans ces conditions, de préparer un sabotage. Quand apparemment, même. Oui. Et pourtant, le sabotage a eu lieu. Alors expliquez-moi ça dans le détail. Écoutez, à 2 reprises, des hommes ont pénétré dans l'appareil. Et les gardes et le soldat à l'intérieur ? Mais ils les ont laissés passer. Parce qu'à chaque fois, les gars avaient une bonne raison de pénétrer dans l'avion. La première fois, c'était un proche de Sikorsky, qui venait chercher une valise appartenant au général. La deuxième fois, c'était un type qui venait prendre un sac de courrier. Et qui ? Ben justement, on ne sait pas. Et on l'a quand même laissé entrer. Oui, les gardes n'y ont pas vu malice. D'ailleurs, il est resté très peu de temps à l'intérieur. Seulement détail capital, la soute où se trouvaient les sacs de courrier était située juste en dessous du poste de pilotage, c'est-à-dire à l'endroit où passaient les câbles de gouverne. Et en si peu de temps, il aurait eu le temps d'opérer un sabotage. Oui, oui. Philby, qui en tant que membre de l'intelligence service pouvait avoir accès à n'importe quel avion du type Liberator, avait dû concevoir avec ses amis un système très simple à poser sur les câbles, un système de blocage. Mais pourtant, attendez, avant de décoller, j'imagine que le pilote, très expérimenté, a vérifié que tout fonctionnait à bord, et en particulier ses gouvernes de profondeur, non ? Bien évidemment, mais le système de Philby était fait en sorte qu'il ne commençait à être efficace qu'au bout d'un certain nombre de manœuvres. Un système progressif, vous comprenez maintenant ? Non, pas tout à fait, mais enfin, est-ce qu'on a repêché l'épave du Liberator ? Oui, parce que l'avion s'est abîmé à très peu de distance de la côte. Donc on a pu vérifier ces fameuses commandes ? Exact, elles étaient en parfait état. Alors je ne comprends plus du tout. C'est pourtant simple. L'ingénieux petit appareillage conçu par Philby et les Soviétiques avait pour particularité de sauter en cas de choc violent. Sauter, c'est-à-dire de disparaître, quoi. Ouais. Je ne suis pas très convaincu. Vous avez tort, croyez-moi. J'en ai vu tellement de ces petits trucs, de ces machines diaboliques faites pour tuer. Vous ne pouvez pas imaginer combien d'inventeurs travaillent pour les services. Et quelquefois même à leur insu. Oui, je vous assure. L'imagination n'a pas de limite, surtout lorsqu'il s'agit d'abord de tout faire pour dissimuler un crime aussi monstrueux que celui de Katyn. Je dois reconnaître que rien ne me permet d'étayer ce dernier point de la démonstration de Monsieur X. Mais je peux simplement dire que c'est seulement le 13 avril 1991 que Moscou, en pleine glasnost, a enfin reconnu la responsabilité de l'URSS dans le massacre en 1940 à Katyn, alors territoire polonais, de 4000 officiers polonais qui avaient été faits prisonniers par l'armée rouge lorsqu'elle avait envahi la Pologne. Cet aveu, fait lors d'une visite du général Jaruzelski à Moscou, a mis ainsi fin à 50 ans de mensonges, le crime ayant toujours été attribué par les soviétiques aux nazis. Quant aux autres milliers d'officiers polonais disparus, grâce à la collaboration des Russes, ils ont été retrouvés dans deux autres charniers, à Kharkov et Menno, en présence d'une commission officielle polonaise. À samedi prochain.